Poème 32. Nevermore. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice. Redresse et peins à neuf tous tes arcs triomphaux. Brûle un encens ranci sur tes autels d'or faux. Sème de fleurs les bords béants du précipice. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice. Pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni, entonne, orgue enroué, des te deum splendides. Vieillard prématuré, mets tu phare sur tes rides, couvre-toi de tapis mordorés, murs jaunis, pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni. Sonnez grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches, car mon rêve impossible a pris corps et gelé entre mes bras pressés. Le bonheur s'est ailé, voyageur qui de l'homme évite les approches. Sonnez grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches. Le bonheur a marché côte à côte avec moi, mais la fatalité ne connaît point de trêve. Le ver est dans le fruit, le réveil est dans le rêve, et le remords est dans l'amour, telle est la loi. Le bonheur a marché côte à côte avec moi. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.